Chapitre 10 et dernier des Mille et une fadaises. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et une fadaises, contes à dormir debout, par Jacques Cazotte. Chapitre 10 et dernier. Comme le champ de bataille s'en fut et ne resta à personne, comment Riante fut retrouvée et ce que devint la merveilleuse Trois-Bosses. Pendant que dura cette étrange guerre, imaginez, mesdames, en quel état était le désastreux amant qui en était le théâtre. 20 fois il crut toucher au dernier instant de sa vie. 20 fois, en preux chevalier, il en fit le sacrifice à l'aimable Riante. Cependant, contre toute espérance, il se trouva encore en état de se relever après le combat fini. Avec des contusions, il est vrai, mais avec plus de frayeur que de mal. Son premier soin, dès qu'il fut debout, fut de fuir le canapé, car il se souvenait encore des portraits. Il aperçut une chaise renversée, que la faiblesse empêchait sans doute de se relever. Il l'aida. Elle fut sensible à cette attention, et comme c'était au tour de cette chaise à parler, « Seigneur, lui dit-elle, autant que l'épuisement put le lui permettre, je puis payer votre service. Riante repose sur le lit que vous voyez et qui n'a pris aucune part au combat. Tâchez d'en ouvrir les rideaux. Déchirez-les s'ils résistent. » À ces mots consolants, Gracieux accourut vers le lit, et sentant que les rideaux lui faisaient de la résistance, il les mit en pièces en un moment. Ah, mesdames, qu'il est doux de voir ce qu'on aime quand on l'a cru perdu pour toujours. Ce n'est que dans ce seul cas que je voudrais être dans la place d'un amant. Il doit goûter tous les plaisirs ensemble. Gracieux en fut enivré jusqu'au point de ne pas s'apercevoir que sa belle était enchantée et que tous ses transports, tous ses soupirs étaient perdus pour elle. Enfin, l'illusion commença à décroître. Il crut la réveiller par toutes les choses qui troublent les sommeils ordinaires. Il l'appela à voix haute. C'est quelque chose que la voix d'un amant. Mais ce n'était pas encore cela. Il lui serra la main. C'était encore quelque chose. Il lui fit respirer de l'eau pure, puis des eaux violentes. Il lui frappa dans les mains. Il la pinça même. Et ce n'était pas cela. Enfin, il s'avisa de lui dérober un baiser. Cela lui réussit un peu. Riante fit un petit mouvement. Je ne sais quelle idée ce succès fit naître à son amant, mais il trouva le secret de la désenchanter tout à coup. Secret que je ne connais pas, que peut-être il me sied d'ignorer. Ce qu'on m'en a dit, c'est qu'il ne réveille pas toujours les belles, surtout quand elles veuillent dormir. Je ne sais point, mesdames, ce que devinrent ces deux amants. Ils furent heureux, sans doute. Au moins méritaient-ils de l'être. Rare revit sa fille, et eut la consolation d'avoir un gendre aimable. Il ne me reste plus qu'à finir mon compte, en vous disant pourquoi l'aimable Riante se trouva au palais des fées. Trois-Bosses, en l'enlevant, la destinait sans doute à des malheurs plus étranges. Elle la revêtit d'habillements lugubres, et la destina à préparer les drogues pour les enchantements. Un jour que cette belle infortunée apprêtait à l'entrée de la caverne la verveine, le trèfle, la fougère et l'attirail de la sorcellerie, elle fut aperçue par la fée Bredouille qui n'aimait pas Trois-Bosses. Hé, qui l'aurait aimé, je vous prie? Depuis quelque temps, les fées avaient fait des statues par lesquelles elles s'obligeaient de transporter au palais de leurs assemblées tous ceux qu'elles auraient enchantés. Trois-Bosses retenait donc Riante contre les règles. Mais la haine, en connaît-elle? Bredouille avertit ses compagnes de la contravention. Ainsi, Trois-Bosses fut privée du plaisir d'une vengeance qu'elle s'était tant promise. Tout ce qu'elle put obtenir, c'est qu'au moins Riante fut désenchantée dans les règles. Pour s'y opposer, elle chercha Gracieux par toute la terre, ne doutant point qu'en le faisant périr, elle n'ôta tout espoir à Rare et à Lirette. Elle trouva le chevalier, mais elle le méconnut, et elle apprit plutôt la fin de tous les malheurs qu'elle avait causés qu'elle ne put y apporter des obstacles. La rage, le désespoir, et même la folie, la saisirent. Elle se crut mortelle et se précipita du haut d'un rocher. Mais cela ne servit qu'à lui rendre le corps un peu plus contrefait qu'elle ne l'avait. On prétend qu'elle se fit une bosse au front, qu'elle a toujours conservée depuis. même des gens dignes de foi, m'ont dit l'avoir vu courir le monde sous le nom de la fée Quatre Bosses. Fin du chapitre 10. Enregistré par Ezoa, en Belgique, en juin 2008. Fin des Mille et une fadaises, Contes à dormir debout, par Jacques Cazotte.